prophète, Nabi. Le terme Nabi, pluriel, Anbiya, signifie prophète. Ce terme s'applique à tout homme à qui Allah le Très-Haut a révélé une certaine loi et lui a ordonné de la transmettre à un peuple non guidé. La différence entre un prophète et un messager est que le messager est un homme envoyé par Allah à un certain peuple, possédant un livre divin ou non, et à qui lui a révélé une loi inconnue auparavant. D'un autre côté, un prophète est un homme à qui Allah le Très-Haut a ordonné de prêcher une loi déjà présente, sans lui révéler un livre divin ou une nouvelle loi. De cette manière, nous pouvons dire que tout messager est un prophète, mais un prophète n'est pas forcément un messager. Les prophètes possèdent d'excellentes caractéristiques comme la sincérité, l'honnêteté, l'infaillibilité, une bonne habileté physique et un moral à toute épreuve, de telle sorte que ni humains ni djinns n'ont le dessus sur eux. Les prophètes sont des êtres humains qui mangent, boivent, tombent malades, se marient et meurent. Ils ne possèdent aucun attribut divin et par conséquent, ils ne doivent pas être adorés.